Bonjour, bienvenue à la semaine thématique des sciences humaines du Cégep de Thetford et du Centre d'études collégiales de Lotbinière en version balado-diffusion. Donc, mon nom est Alexandre Filion, enseignant en économique. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, on va adopter une perspective un peu plus locale alors qu'on s'intéresse à l'état du bassin versant de la rivière Bécancour. Je vous souhaite donc une excellente écoute. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'entretiens avec deux personnes œuvrant pour le groupe de concertation des bassins versants de la rivière Bécancour, aussi appelé Gros Bec. Il s'agit de Mme Chloé Lacasse, chargée de projet, et M. Emmanuel Laplante, directeur général de Gros Bec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Très bien. Donc, vous entendez évidemment deux voix. Alors, il y a deux personnes qui vont être avec moi aujourd'hui, M. Emmanuel et Mme Chloé Lacasse. Je vais vous remercier d'abord d'être avec nous ce matin pour discuter, puis d'échanger sur Gros Bec et sur les enjeux évidemment relatifs au bassin versant de la rivière Bécancour. Je débuterai peut-être avec ça. Je l'ai mentionné un peu dans mon intro, mais Gros Bec, c'est quoi? Donc, c'est quoi? D'où ça vient? C'est quoi les mandats de Gros Bec? Qui travaille pour Gros Bec? Je vous lancerai cette question-là d'entrée de jeu. En fait, c'est ça. Donc, le Gros Bec, qui a été mentionné plus tôt, on est un organisme de bassin versant. Donc, on est un organisme, en fait, qui s'occupe vraiment de réaliser des projets, de coordonner, en fait, un peu tout ce qui est des ressources en eau sur le territoire. Donc, je pourrais peut-être commencer par définir ce qu'est un bassin versant, vu que c'est une notion qui est peu commune, mais qui est plus diffusée ou qui est peut-être un peu plus inconnue du public. Donc, un bassin versant, c'est un découpage du territoire en fonction de l'écoulement de l'eau. Donc, on peut, en fait, selon la topographie, selon l'élévation, donc on peut penser aux différentes montagnes, les collines, on peut tout le relief du territoire. Ça fait en sorte qu'une goutte d'eau, par exemple, s'écoule d'un côté ou de l'autre, puis ça crée, en fait, des bassins selon les rivières, selon leur sens d'écoulement. Donc, nous, notre zone, en fait, on compte la rivière Bécancour et d'autres bassins versants. Mais si je prends, par exemple, le bassin versant de la rivière Bécancour, c'est toute goutte d'eau, en fait, son bassin versant, c'est toute goutte d'eau qui, quand il s'écoule vers un cours d'eau, un ruisseau qui finit par aboutir dans la rivière qui, elle, finit par s'aboutir au fleuve. Donc, ça fait vraiment, enfin, un découpage du territoire qui ne suit pas les limites administratives, qui ne suit pas, en fait, les municipalités. C'est vraiment, selon le relief, le découpage physique du territoire. Puis le territoire du Québec, en fait, est découpé en 40 zones de cette façon-ci. Sur les territoires qui sont toutes gérées par des différents organismes. Donc, nous, par exemple, le Gros Bec, on s'occupe, comme je mentionnais, donc c'était la zone Bécancour. Donc, on a notre principal bassin versant, c'est la rivière Bécancour, qui prend sa source au lac Bécancour à Thetford Mines et qui s'écoule jusqu'à la rivière Bécancour, jusqu'au fleuve Saint-Laurent, au niveau de la municipalité de Bécancour. Donc, ça couvre plusieurs municipalités à Serpente. Donc, si je peux faire un petit historique ou un petit résumé de son écoulement. Donc, la rivière s'écoule à travers la municipalité de la ville de Thetford Mines avant de rejoindre, entre autres, les lacs à la Truite d'Irlande, le lac William, le lac Joseph. Ensuite, va rejoindre à Tourne, donc elle va rejoindre la municipalité de Lister. Elle s'écoule ensuite vers David-Louisville. Puis ensuite, son dernier croche droit, en fait, vers le fleuve. Donc, notre zone, en 2009, le ministère nous a aussi rajouté d'autres bassins versants qu'on pourrait dire orphelins, donc qui sont de plus petite taille, qui s'écoulent directement vers le fleuve Saint-Laurent, qui longe le fleuve. Donc, on peut compter la rivière Marguerite et la rivière Godefroy qui sont, en fait, on pourrait dire, au sud-ouest de la rivière Bécancour. Et ensuite, on a les autres cours d'eau de la MRC de Bécancour, donc la rivière de la Ferme, du Moulin, Auclaise, la rivière aux Orignaux et le bassin versant de la rivière la petite rivière du Chêne. Mais je pense que tu l'as mentionné, mais c'est en quelle année, ça, que vous êtes fait greffer ces eaux-là un peu orphelines, si on veut? Ça, c'est en 2009. 2009, donc c'est directement lorsque la loi de la gestion intégrée est apparue, vous avez eu on en reparlera tantôt, là, mais OK, good, juste pour me situer un peu dans le temps. Très donc, bon. Oui, vas-y. Donc, peut-être faire un petit historique. Là. Donc, le Gros Bec a été fondé en 2003 par des intervenants justement autour de la problématique de l'eau de la rivière Bécancour. Donc, ça a été officiellement désigné un organisme de bassin versant par la politique nationale sur l'eau en 2003. En fait, en 2002 que la politique a été mise en place, le Gros Bec, lui, a été fondé en 2003. Donc, l'organisme s'occupait vraiment à l'époque seulement du bassin versant de la rivière Bécancour. C'était vraiment au balbutiement de la gestion intégrée des ressources en eau au Québec. Donc, on a reçu des mandats du ministère de l'Environnement pour mettre en place un plan directeur de l'eau, qui est en fait un plan d'action issu de la concertation des différents acteurs du territoire. Donc, ça regroupait les municipalités, les producteurs agricoles, les producteurs forestiers, les citoyens. Vraiment, toute personne, tout acteur qui utilise l'eau sur un territoire, qui en ont des besoins, qui peuvent l'utiliser pour, soit pour l'irrigation ou qui ont des activités qui peuvent toucher à l'eau. Donc, le drainage forestier, l'eau potable, les eaux usées, vous voyez un peu toutes les, ouais. le type d'activité. C'est pour faire un plan d'action, en fait, pour une utilisation durable de ces ressources-là. Donc, soit pour conserver ou améliorer la qualité de l'eau pour que chacun puisse en bénéficier, puis un peu protéger cette ressource. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire de notre mandat avec le ministère. Donc, en 2009, en fait, ce mandat-là a été vraiment précisé dans le cadre d'une loi. Donc, c'est la loi sur, je vais vous la dire au nom, donc son nom résumé, en fait, là, dans le milieu, c'est la loi sur l'eau. Mais c'est la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, qui a été adoptée là, le 11 juin 2009. Cette loi-là, principalement, en fait, c'est vraiment venu affirmer le caractère collectif de l'eau sur le territoire québécois, ce qui en est fait vraiment une ressource vraiment qui est un peu du domaine de l'État et de tous les citoyens. Puis c'est venu vraiment renforcer et préciser le rôle des OBV dans l'élaboration du plan directeur de l'eau et sur un peu dans la gestion un peu de la gestion intégrée des ressources en eau du territoire québécois. C'est à cette époque-là que ça, vraiment le territoire a été découpé vraiment spécifiquement sur l'ensemble du territoire du sud du Québec en zones. Donc, nous, c'est à ce moment-là qu'on nous s'est fait attribuer les autres bassins versants pour vraiment constituer la zone Bécancour en soi, qui est notre territoire d'intervention jusqu'à ce jour. Très bon. Puis je voyais justement quand je faisais mes lectures par rapport à cette loi-là de 2009, qui est bon, la loi sur l'eau, là, on va y aller avec le raccourci. On parlait d'informer les acteurs, d'élaborer le PDE, donc le plan de développement de l'eau, la mise en œuvre de ce plan-là. Comment est-ce que vous arrivez à vos fins? C'est au niveau du financement, c'est comment est-ce que ça fonctionne? Donc, en fait, au niveau du financement, nous, on a une convention de base avec le ministère de l'Environnement, donc la direction, justement, la direction de la gestion de l'eau. Donc, dans cette convention-là, en fait, ça encadre vraiment les activités inscrites dans la loi donc, que les OBV sont en charge. Donc, on a un financement d'environ, en ce moment, d'environ 250 000 $ là, plus ou moins, par année pour mettre en œuvre le plan directeur de l'eau, réaliser sa mise à jour. Puis on a différents livrables entourant ces activités-là. Par la suite, nous, donc, puisque ce plan, en fait, le plan directeur de l'eau actuel a été élaboré, terminé vers 2014 environ. Donc, pour la mise en œuvre de ces actions-là et pour le soutien des acteurs, on va chercher du financement auprès des autres fondations, des différents programmes gouvernementaux. On réalise également des mandats avec des municipalités, avec différents citoyens, pour vraiment réaliser des projets plus concrets sur le terrain. Donc, je diviserais vraiment un peu notre financement de l'organisme en deux volets. Donc, il y a vraiment la convention de base pour le plan directeur. Puis tout ce qui est les interventions terrain, les projets plus concrets, c'est vraiment du financement externe que l'organisme. On élabore des projets, on les dépose auprès des différents bailleurs de fonds. C'est vraiment ça qui assure l'essentiel du financement de l'organisme. Très bon. Bien, un plan directeur de l'eau, c'est-tu un plan, c'est quoi la vision, court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que c'est un plan quinquennal? Est-ce que c'est un plan sur 10 ans? Ou tu me diras, peut-être qu'il y a des objectifs à court, à moyen, à long terme peut-être? Là? En fait, le plan directeur de l'eau, c'est vraiment sur une vision de 10 ans, puis c'est un cycle, en fait. Donc, okay. Vraiment, actuellement, le plan directeur, la façon qui est structurée, les premières étapes, c'est vraiment de poser un portrait diagnostique du territoire. Donc, on vient établir c'est quoi les différents éléments sur le bassin versant. Donc, c'est quoi l'état des ressources en eau, c'est quoi la qualité de l'eau, c'est quoi les milieux humides sur le territoire. Donc, on vient vraiment faire un portrait très global du territoire. Puis ensuite, avec le diagnostic, on vient poser c'est quoi les problématiques qui existent. Donc, est-ce qu'on a une problématique d'approvisionnement en eau potable? Est-ce qu'on a une problématique de dégradation de l'eau de la rivière? Est-ce qu'on a des débordements d'eau usée? On vient vraiment essayer de créer un diagnostic le plus complet possible pour vraiment avoir un portrait fidèle de la situation. Par la suite, par concertation, donc le gros bec, c'est à la base une table de concertation, comme je disais plus tôt, avec les différents intervenants. On vient fixer un peu les enjeux, on vient fixer les orientations, les objectifs que les acteurs veulent apporter pour un peu adresser ces problématiques-là. Donc, on vient prioriser quelle problématique est plus importante, quels objectifs on veut atteindre, puis c'est sur une vision de 10 ans. Donc, on vient vraiment monter un plan d'action associé à ces objectifs-là pour adresser en fait ces problématiques-là, voire essayer de les régler. Puis ensuite, on vient vraiment mettre en œuvre ce plan-là. Puis ensuite, après 10 ans, c'est une autre toux, en fait, c'est une roue qui tourne. Donc, on vient refaire un bilan des activités du plan, en fait, des interventions qui ont eu lieu dans les 10 dernières années. Puis on vient refaire un portrait de la situation plus actualisée avec un nouveau diagnostic des problématiques. Puis c'est un plan, en fait. Donc, c'est vraiment un processus continu pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau, puis d'essayer d'assurer une gestion plus durable du milieu. Puis dans votre équipe, là, je vois vous deux, mais tu sais, ça me semble assez technique quand même comme enjeu. Est-ce qu'il y a des ingénieurs de l'eau, des gens évidemment peut-être plus formés en environnement? Ça peut se ressembler à quoi un petit peu les formations de l'équipe de Grosbec? C'est vraiment, on essaie d'avoir des formations. C'est sûr que c'est des formations surtout en environnement. Donc, on a plusieurs biologistes, comme Chloé, qui est plus formée en environnement et aménagement des milieux naturels. On a également des géographes dans l'équipe. Donc, mais ça peut. L'équipe typique de nos BV peut être très, très variée. Là, on peut avoir des agronomes pour des projets plus en milieu agricole. On peut avoir, il y a certains OBV qui peuvent avoir soit des ingénieurs, des hydrologues. Ça peut être très varié. Donc, le mandat typique de nos BV, ça peut couvrir des domaines très variés, autant forestiers, autant agricoles, autant plus scientifiques et biologiques. Donc, en fait, l'équipe varie en fonction des besoins, des différents projets. Je crois que Chloé, tu voulais rajouter quelque chose? On a aussi des techniciens, là, bien sûr, qui permettent de mettre en œuvre vraiment les actions techniques. Souvent, c'est techniques en bioécologie ou des techniques forestières qui sont vraiment essentielles à notre organisme aussi. Très bon. Puis au total, Grosbec, vous êtes combien là-dedans, mettons? Qu'on pourrait dire que l'équipe Grosbec a, là. Je sais qu'il y a peut-être des gens, c'est plus à contrat, puis ils viennent collaborer à court terme, mais. Actuellement, on est 10. OK. Donc, l'équipe a grandi au cours des dernières années. Donc, comme c'est ça, ça dépend en fait des différents projets qu'on a en cours, des choses comme ça. Mais il y a quelques années, on était environ 5-6. Donc, au cours OK. des dernières années, avec les différents projets de grande ampleur qui ont eu lieu, donc l'équipe s'est tranquillement agrandie. Donc, en ce moment, là, au bas mot, on a environ 4 chargés de projet. On a 2 techniciens. J'ai une directrice adjointe, on a une secrétaire, on a un chargé de communication. Donc, c'est vraiment une équipe quand même très jeune aussi. Donc, c'est très dynamique. Donc, on a de l'énergie pour les différents projets, là. Très bon, très bon, très cool. Je me dirigerai vers Chloé peut-être pour la suite. En réalité, c'est des collègues qui m'avaient mis de mon département, donc à Thetford au Cégep, qui m'avaient mis un peu la puce à l'oreille par rapport à ça. J'ai fait mes recherches de mon côté, mais la rivière Bécancour puis le bassin versant n'auraient peut-être pas la cote ces temps-ci, donc auraient peut-être des enjeux peut-être de pollution ou de dégradation de la qualité. Est-ce que c'est le cas d'abord? Puis si c'est le cas, ben à quel degré? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'est rendu jusque-là, mettons? Ouais, ben si on commence avec l'historique, là, en fait, dans le passé, la rivière avait vraiment une mauvaise réputation, si on peut dire, puis c'est pas nécessairement pour rien. C'est que dans le passé, donc dans les années 1985, la majorité des eaux usées de la majorité des villes du bassin versant, si pas la totalité, se déversaient dans les cours d'eau ou directement dans la rivière Bécancour. Donc finalement, ça se ramassait toutes les eaux usées se ramassaient dans la rivière Bécancour, ce qui causait finalement une odeur nauséabonde, une couleur pas très agréable à regarder, plusieurs bactéries, des cyanobactéries également. En tout cas, c'était très pollué, ce qui a donné, c'est ça, une très mauvaise réputation dans le passé, mais ça s'est amélioré, bien évidemment. Les municipalités là, du territoire ont traité maintenant les eaux usées avant qu'elles se rendent dans les cours d'eau. Donc, ça a amené un grand changement. Mais c'est sûr que la rivière est encore polluée là, actuellement. Quand on dit qu'elle est très pollué, c'est pas nécessairement le cas sur l'entièreté de la rivière. Il faut vraiment séparer selon les différents secteurs. Donc, nous, on parle souvent du secteur amont, qui est le OK. secteur en fait de Thetford, qui est le haut de la rivière finalement. Puis sinon, il y a le secteur des trois lacs, là, qui est plus situé là, justement les lacs à la Truite, le lac William et le lac Joseph. Puis sinon, il y a le secteur aval. Donc, c'est important quand même de les séparer parce que leur qualité est vraiment distincte, là. Donc, le secteur de Thetford, c'est le secteur qui serait le plus pollué actuellement. Puis c'est vraiment, c'est ça, on peut qualifier cette qualité de l'eau-là de très mauvaise, là. actuellement, mais c'est sûr que ça peut s'améliorer. Les données, là, dans le fond, depuis 1998, on a des données pratiquement à chaque année là, pour ce secteur-là. Puis à chaque année, c'est très mauvais depuis ces années-là, mais c'est sûr qu'il y a des actions qui vont se mettre en œuvre, puis on essaie, là, puis les acteurs locaux essaient d'améliorer ça. Puis sinon, vers le secteur des lacs, et là, on voit que la qualité de l'eau s'améliore tranquillement avec les années. Puis avant, le lac à la truite, l'eau est encore de qualité là, mauvaise ou douteuse. Là, t'sais, c'est pas une très, très bonne qualité de l'eau, mais après, les lacs William et Joseph, on a une bonne qualité de l'eau jusqu'au fleuve. Puis quand tu me parles de bon, très bon, mauvais, tout ça, j'imagine que c'est des indicateurs qui, probablement clairs de votre côté, peut-être un peu moins pour moi, là, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te mets pas l'orteil dedans, ou tu prends pas une gorgée d'eau, ou tu te baignes pas la tête, voilà. Donc je me demande qu'est-ce que ça peut impliquer peut-être pour le citoyen de savoir qu'elle est très mauvaise, mettons, là. Oui, c'est ça. Bon, ben pour quand on parle de très mauvais, surtout pour le secteur de Thetford, on va parler, ben nous, on a l'indice de qualité bactériologique et physico-chimique, qui est l'IQBP6, qui nous permet de dire si c'est très mauvais, mauvais ou moins. Ça se fie à différents paramètres. Puis par rapport, exemple, au secteur de Thetford, le paramètre qui est le plus de plus mauvaise qualité, c'est les coliformes fécaux. OK. Puis ça, en fait, ça signifie, en fait, le résultat là, par rapport aux coliformes fécaux, actuellement, c'est une concentration de 2000 UFC par 100 millilitres. Ça ne veut peut-être pas vous dire grand-chose, mais c'est une concentration qui est très, très, très élevée parce que, en fait, le critère pour les contacts directs et indirects avec l'eau, le seuil qu'il ne faut pas dépasser, c'est 1000 UFC par 100 millilitres. Donc, nous, on est deux fois plus élevés là, OK. dans ce OK. secteur-là. Donc, ça veut dire que toutes les activités où tu pourrais avoir un contact indirect, là, donc, on pense, il faut absolument pas se. Ben, pas absolument pas. Il y en a qui le font, bien évidemment, mais c'est pas conseillé de se baigner. Même les contacts indirects, ce qui veut dire faire du kayak, recevoir de l'eau dans le visage, recevoir. C'est pas nécessairement conseillé. Bien sûr, les gens le font quand même, là, puis c'est pas tout le monde qui tombe malade à cause de ça non plus. Tu sais, il faut pas non plus être apeuré de ça, mais c'est pour dire. Pour expliquer un peu d'où vient le terme très mauvais. Puis quand ça, mettons que j'en ai avalé ou que j'en ai d'en face, quoi que ce soit, c'est des gastro, des grumes, des grippes, des maladies un peu courantes ou des infections qu'on pourrait avoir avec ça, Ouais, c'est ça, c'est plus des gastro, je dirais, là. là, ce type de. Ouais. Ouais. OK. On connaît moins ça, je sais qu'on dérape un peu, mais quand même, ça m'intéresse. À ce moment-là, ben, si on en arrive avec cette qualité de l'eau-là qui est très mauvaise puis qu'il ne faut pas en avoir du tout ou pratiquement pas, qu'est-ce qui nous a amené là? Ce serait quoi les causes principales de cette détérioration-là, peut-être? Ben, c'est la mise en commun de plusieurs facteurs, je dirais, là, pour le secteur de Thetford. Premièrement, il y a les débordements des ouvrages là, de traitement des eaux usées. Ça, en fait, c'est quand il y a des surverses. Là, si je peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est lors des grandes pluies. À Thetford, le système de traitement des eaux, il est unitaire. Donc, le réseau d'égouts, les eaux pluviales comme les eaux usées vont s'en aller dans la même usine de traitement. Donc, quand il y a des très, très grosses pluies, ce que ça va faire, en fait, c'est que le volume d'eau qui arrive à l'usine de traitement est trop grand. Donc, ils vont être obligés, en fait, de laisser s'écouler un certain volume d'eau dans le cours d'eau, donc dans les milieux naturels, dont la rivière Bécancour. Puis, ce volume d'eau-là, il n'est pas traité parce que c'est ça dépasse ce que l'usine peut traiter actuellement. Donc, ça peut être, ça peut jouer là, sur la qualité de l'eau, bien évidemment. Sinon, là, pour ce qui est des usines de traitement à Thetford, il y aurait l'absence de désinfection. Donc, c'est un traitement là, qui peut être fait là, dans d'autres usines de traitement. Mais ça, c'est prévu là, que la ville de Thetford veut faire des travaux bientôt. Là. C'est dans leur plan, si je me souviens bien. Oui, je pense que je vais laisser Emmanuel répondre pour ça parce que je ne me rappelle pas c'est quand, là, mais je sais que ça s'en vient bientôt. Là. Oui, si je ne m'abuse, la date qui était fixée pour l'instant, c'était en 2023. Donc, pour la mise aux normes, en fait, de la station d'épuration des eaux de Black Lake. Donc, pour mettre à désinfection, c'est important de préciser que le traitement des eaux usées à Thetford Mines, c'est vraiment la partie désinfection qui ne répond pas aux normes. Donc, le traitement qui est effectué sur les eaux usées pour la ville de Thetford Mines couvre quand même la déphosphatation, donc le retrait des nutriments. Donc, quand même, c'est ces parties-là, le traitement des eaux usées est bien fait. C'est vraiment la partie désinfection, donc le retrait des coliformes fécaux, donc, ou l'aseptisation en fait, des coliformes fécaux et des bactéries qui sont peut-être plus pathogènes, qui n'est pas fait. Donc, c'est ça, en fait, qui cause vraiment une dégradation de la qualité de l'eau dans la rivière plus en aval, vers les lacs. Puisque, comme Chloé elle disait plus tôt, tu sais, vraiment, le paramètre qui fait déclasser la rivière en bas, c'est vraiment les coliformes. Donc, elle a nommé le 2000 UFC, mais on a déjà vu des 6000 UFC, donc ce qui était au-dessus de la limite de détection. Donc, vraiment, c'est ça, là, avec les surverses. Mais, tu sais, les autres paramètres sont quand même bien couverts. Donc, à cet effet-là, donc, c'est quand même... c'est un point plus particulier, mais je tenais quand même à le préciser que, tu sais, le reste du traitement est quand même bien fait, là. Puis, il y a une seule usine de traitement des eaux usées pour Thetford Mines Black Lake. Donc, ça serait une seule usine, toute l'eau va là, finalement. Là. C'est celle de Black Lake, finalement, celle que tu as nommée, Emmanuel? Oui, mais en fait, la station de Black Lake, si je ne me trompe pas, ça couvre en fait c'est ça, le secteur de Black Lake puis le secteur de Thetford, centre-ville en soi. Pont-Briand, eux, ont également, de leur côté, ont vraiment une station plus dédiée pour ce secteur-là. De ce côté-là, à mon souvenir, il n'y avait pas de problème, justement, vraiment de traitement. C'est vraiment la station de Black Lake là, qui avait une problématique pour la désinfection. Mais comme je disais plus tôt, là, pour l'instant, dans la planification de la municipalité, ça devrait être mis aux normes là, en 2023. Puis la municipalité également là, réalise plusieurs travaux là, pour un peu mettre aux normes, séparer le système pour, entre son pluvial et le sanitaire, donc plus les eaux usées. Puisque la problématique de surverse à Thetford Mines est entre autres occasionnée à cause de la topographie. Donc, la municipalité est très. Il y a un relief très accidenté, ce qui crée vraiment une augmentation des débits, la vitesse d'écoulement. Donc, ça fait que ça prend très peu de pluie pour vraiment surcharger le réseau. Donc, c'est ça, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de surverses dans la municipalité. Donc, vraiment, avec les travaux que la municipalité réalise, ça l'aide en fait à séparer le tout donc, et à ne pas surcharger le réseau sanitaire lors des événements de pluie, ce qui crée des surverses, ce qui crée en fait un déversement d'eau qui n'est pas traité dans la rivière. Et là, j'ai plein de choses qui me passent par la tête, mais je me demande, les gens qui ne sont pas nécessairement connectés à ce système-là utilisent des faux septiques? Petit peu plus décollé, puis là, bon, à d'autres municipalités un peu plus loin. Est-ce qu'il y a quand même une surveillance des normes? Parce que, tu sais, là, je vois que ce système-là est plus concentré, plus centralisé. C'est plus facile peut-être de regarder ce qui ne va pas puis vouloir l'améliorer et tout. Mais d'après moi, il doit y avoir quand même plusieurs personnes, des résidences secondaires, des résidences qui ont plusieurs défauts sceptiques. Mais est-ce que la surveillance est bien faite à ce niveau-là pour regarder si tout est aux normes finalement? Puis j'imagine que ça a un impact aussi peut-être sur la qualité des cours d'eau. Oui, en fait, les fosses septiques, ben, ça dépend, c'est sûr, des municipalités. Ce n'est pas toutes les municipalités qui ont le moyen et le temps d'aller faire la tournée là, des fosses septiques sur leur territoire. Mais je dirais qu'une grande partie des municipalités du territoire assurent un suivi pour les fosses septiques. Bien évidemment, il y en a qui ne sont pas conformes. Puis oui, ça peut être une problématique également là, pour la qualité de l'eau de la rivière. Mais c'est de plus en plus suivi. Puis on a de plus en plus de municipalités là, justement qui nous contactent pour faire des projets. Là. Je pense notamment à Saint-Jacques-de-Lide là, pour lequel on a un projet actuellement. Qui est d'aller vérifier ça, peut-être, de mettre aux normes les fosses septiques? Hein? Bien, en fait, pour Saint-Jacques-de-Lé, la vérification a déjà été faite. Donc, on a réalisé en fait ces inventaires-là, c'était à l'été 2019. Puis là, en ce moment, c'est vraiment, on accompagne là, la municipalité là, pour en fait des appels de projets, puis faire un peu une vérification, puis des vidanges systématiques là, pour les citoyens. Donc, vraiment, on accompagne un peu les municipalités là, tout au long du processus pour, d'une part, oui, faire le portrait qui est conforme, qui n'est pas, qui doit se mettre aux normes, puis en même temps, mais aussi aider la municipalité. Là, des fois, souvent, tu sais, ce qui peut nuire à la conformité là, pour les fosses septiques, c'est les vidanges ne sont pas faites à la bonne période ou des fois, les fosses n'ont pas la capacité de fournir pour l'ampleur de la maison, le nombre de chambres. Donc, on peut assister les municipalités là, un peu dans la mise aux normes des citoyens ou dans le suivi là, justement des vidanges. Ça peut aider justement à avoir un système plus une vidange systématique sur l'ensemble de la municipalité qui est pris en charge par soit les MRC ou les municipalités directement. Puis, c'est-tu contraignant, ça, pour le citoyen? T'sais, je me dis, si, admettons, vous mettez en lumière que tel ou tel citoyen ou tel secteur, peut-être, ils n'ont pas tout à fait les normes de fosses septiques, vous passez, évidemment, peut-être via la municipalité pour aviser de ça. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des lois, les gens doivent se conformer à ça? J'imagine que ça représente des coûts pour eux autres. Puis, est-ce qu'il y a peut-être de la résistance à ça? Il y en a d'autres qui veulent juste rien savoir ou c'est des choses que vous avez déjà observées? Bien, en fait, les citoyens doivent être aux normes. Donc, okay. C'est du devoir de la municipalité de s'assurer là, que les différents citoyens de son territoire ont des fosses septiques, ont des systèmes sanitaires, en fait, qui sont aux normes. Donc, ça peut être des conditions là, pour donner des permis de construction, des permis de rénovation. Donc, en fait, c'est un peu le devoir de l'inspecteur de la municipalité de s'assurer de tout ça. Donc, avec le portrait de conformité, on vient vraiment vérifier qui respecte les normes, qui doivent faire des travaux correctifs. C'est sûr qu'on ne se cachera pas que ça peut représenter quand même quelques milliers de dollars si le système est à refaire au complet. Mais des fois, il y a des prêts qui peuvent être possibles. Donc, ça a déjà été discuté justement avec certaines municipalités là, pour qu'ils fassent des prêts plus communs, puis qu'ensuite, en fait, le remboursement soit mis sur les factures, tu sais, sur les taxes municipales. C'est ça, sur plusieurs années. Donc, il y a quand même des moyens à cet effet-là. Puis ensuite, en fait, je ne crois plus que le programme est encore à jour, mais je sais que le ministère avait auparavant des programmes de financement pour justement appuyer les citoyens pour la mise aux normes là, de leur système. Très bon. Donc, c'était quand même un exemple d'un certain projet par Gros-Bec, mais j'aimerais en avoir peut-être davantage là, sur des projets d'envergure de Gros-Bec. Quand on s'était parlé un peu avant pour se préparer, Emmanuel, tu m'avais parlé du plan de contrôle des sédiments amiantés. Ça m'a interpellé. Donc, les sédiments amiantés des halles de minières. Alors, j'aimerais peut-être que tu développes un peu là-dessus sur ce fameux plan de contrôle. Oui, donc en fait, je peux peut-être faire aussi une petite explication là, l'origine de ce projet-là. Donc, comme beaucoup le savent, à Thetford Mines, en fait, Thetford a été marqué dans son histoire par l'exploitation, les mines d'amiante sur son territoire. Puis ça a occasionné, en fait, les gigantesques halles de résidus miniers amiantés qu'on peut voir sur le territoire. Donc, ces immenses, buttes de sable de mine possèdent encore beaucoup d'amiante à l'intérieur. Il y a des résidus stériles qui sont des roches plus inertes, vraiment concassé un peu plus grossièrement, mais il y a beaucoup de ces halles-là que c'est vraiment du sable fin qui a déjà été pré-broyé, en fait, qui résulte ce qui n'avait pas une charge d'amiante suffisante pour l'exploitation commerciale. Mais en fait, ces halles-là sont actuellement, il y en a plusieurs qui sont entassées vraiment sur les berges de la rivière. Puis avec la rivière en se tassant, en érodant, en fait, ça l'amène à chaque année depuis des décennies, ça l'amène une grande quantité de sédiments, de sable, de mine dans la rivière qui sont ensuite transportés plus bas. Donc, ça représente une forte source de pollution pour la rivière. Donc, on peut penser, entre autres, là, l'Université Laval a réalisé une étude sur, la sédimentation dans les lacs en aval. Donc, à l'étang Stater, au lac à la Truite d'Irlande, jusqu'au lac Joseph. Puis, ils ont démontré qu'il y avait des traces d'amiante jusqu'au lac Joseph, qui est situé à 25 km en aval. Des halles minières à Thetford Mines. Puis même ils ont pu documenter en fait qu'il y avait une augmentation drastique de la sédimentation au lac à la Truite d'Irlande. Donc, l'apport de sédiments qui vient de l'amont à Thetford Mines est en train de combler tranquillement, pas vite, le lac situé en aval. Donc, ça a quand même des impacts importants là, pour la rivière puis les lacs qui sont situés sur notre bassin versant. Donc, en fait, le plan de contrôle des sédiments amiantés, c'est une première étape, enfin, un projet qu'on a mis en place pour avoir un plan d'action pour un peu adresser, restaurer ces milieux-là. Donc, les différentes compagnies minières ont déjà commencé à faire la stabilisation et la végétalisation de certains secteurs de leur territoire. Pour les halles minières, mais en fait, le plan visait principalement les halles qui étaient très instables, donc qui étaient peu travaillables, qui sont situées vraiment proches de la rivière. Je vais peut-être laisser Chloé élaborer cette dernière section. On a réalisé des tests de qualité de l'eau pour un peu documenter quel était l'impact réel actuellement des algues sur la qualité de l'eau, donc la présence de métaux, etc. Puis on a également documenté un peu la sédimentation, l'apport de matériaux vers la rivière. Puis on a élaboré en fait également des scénarios pour un peu des aménagements, voire un peu pour récupérer ces sédiments-là avant qu'ils atteignent la rivière. Puis dans un quatrième temps, on a réalisé un plan, un bassin de sédimentation sur les territoires de la municipalité d'Irlande, donc qui reçoit les sédiments amiantés, les sables de mine qui s'écoulent vers la rivière, qui est situé le plus à l'ouest, donc le plus en aval de la rivière. Donc, ce bassin-là, on espère qu'il va être capable au moins d'endiguer une partie de l'hémorragie là, de la part. C'était assez impressionnant. Donc, pour ceux qui sont peut-être un peu plus familiers sur le site, donc, le bassin il longe la piste de quatre roues, en fait, qui borde la rivière Bécancour dans ce secteur de Vimy Ridge. La part de sédiments amiantés, les sables de mine avaient tué toute la végétation sur le bord de la rivière tellement qu'il y avait une accumulation, puis c'était basique. Le bassin sert un peu à détourner tout ça, puis à à le recueillir pour qu'ensuite, avec la compagnie, on puisse aller les retirer avant qu'ils atteignent le cours d'eau. Donc, on espère dans quelques mois, dans quelques années, puis de façon périodique, on va être capable d'aller récupérer tout ça puis aller le déposer à un endroit qui n'atteindra pas la rivière par la suite. Très bon. T'avais-tu quelque chose à ajouter, Chloé? Oui, mais c'est très intéressant. Mais par rapport au test de qualité de l'eau, là, au suivi de qualité de l'eau qui a été fait, ça nous a permis en fait de voir que les concentrations en fibres d'amiante étaient très importantes, puis ça dépassait les normes des États-Unis pour ce qui est des fibres d'amiante. Dans le fond, nous, au Québec, on n'a pas de normes par rapport aux concentrations dans les cours d'eau, ce qui nous a aussi amené à constater ça, en fait, qu'il n'y a pas de normes par rapport à ça. Donc, ça a amené à lever un peu j'ai juste le mot anglais, là, un flag, ça a amené un drapeau rouge, ouais, pour voir qu'il y avait quelque chose d'important à regarder là, par rapport à ça. Donc, c'était seulement un ajout par rapport au suivi. Puis, dans un autre projet qui semblait vous interpeller, c'était l'espace de bon fonctionnement, du ruisseau Bullard, pardon. Alors, est-ce qu'on peut avoir des grandes lignes de ça? Oui, dans le fond, le projet du ruisseau Bullard fait partie d'un plus gros projet qui est, dans le fond, adapter la gestion des cours d'eau de la zone Bécancour dans un contexte de changement climatique. Puis, dans cette optique-là, dans l'optique des changements climatiques et tout ça, le ruisseau Bullard était très intéressant parce que, premièrement, le ruisseau Bullard, pour ceux qui ne le situent pas nécessairement, là, il est situé dans la municipalité d'Inverness et dans la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf. Puis, c'est un ruisseau qui avait été rectifié dans le passé parce qu'il y avait eu des inondations, puis il y avait eu des décès liés aux inondations dans le passé, puis avait été rectifié. Puis, dans le fond, l'espace de bon fonctionnement, pour expliquer c'est quoi le concept, en fait, c'est un mode de gestion du cours d'eau qui consiste à laisser le cours d'eau reprendre sa forme naturelle, donc de laisser reprendre son lit d'écoulement naturel, donc faire ses petits méandres, là, plutôt que d'être en ligne droite. Ce qui se passe avec le ruisseau Bullard, c'est qu'il y a eu beaucoup de digues, il a été endigué, si on peut dire, donc il restreint un endroit, mais il y a beaucoup de force, donc il va aller éroder, il va aller manger les terrains, il va aller faire beaucoup d'érosion, puis ensuite, toute l'érosion, ça fait beaucoup de sédiments qui sont emmenés en aval, dans la rivière Bécancour. Donc, ça crée plusieurs problèmes, autant pour les riverains qui sont assez mécontents de cette problématique-là que pour la rivière en tant que telle, la qualité et tout ça. Donc, l'objectif, c'est de cartographier, de ce projet-là, ça a été de faire la cartographie de l'espace de bon fonctionnement. Puis ensuite, de voir, bon, est-ce que ça se fait réellement? C'est quoi les avantages économiques de le faire? C'est quoi les désavantages économiques? Qu'est-ce que ça comporte, en fait, pour les riverains autant que pour la municipalité, de faire un projet de cette envergure-là? Puis ça implique aussi de la concertation là, qui a été commencée avec les riverains dernièrement pour voir est-ce que ça va être réalisable ou pas. Donc, c'est sûr, c'est un projet pilote. L'objectif, là, d'ici 2024, c'est de sortir en fait un plan d'action là, par rapport au ruisseau Bullard pour l'espace de bon fonctionnement. Mais c'est ça, c'est un projet pilote, donc est-ce que ça va finir par être vraiment respecter l'espace de liberté, ce serait souhaitable, mais est-ce que c'est réalisable d'un point de vue économique et social? C'est ça qui est à voir, là, c'est ça qui est étudié en ce moment. Excellent, merci. Puis, vas-y, Emmanuel, vas-y. Oui, mais enfin aussi pour faire du pouce un peu sur ce que Chloé racontait, tu sais, pour donner des exemples de problématiques pour le Bullard, entre autres, la rivière cherche vraiment à retrouver ses méandres historiques. Ça occasionne plusieurs problématiques. Donc, outre il y a des producteurs qui sont situés plus du côté d'Inverness qui sont vraiment mangés du terrain. Donc, les champs et les terres agricoles qui bordent la rivière sont érodés massivement, puisque la rivière, elle essaie de reprendre ses méandres, donc ses courbes qu'elle avait historiquement. Mais outre ça, également, il y a plusieurs ponts là, qui enjambent la rivière. Puis qu'en fait, avec les mouvements de la rivière, on peut voir que dans quelques années, ces ponts-là vont être à risque, puisque la rivière se déplace latéralement, donc elle vient chercher, elle cherche à se déplacer où c'est que le pont, en fait, n'a pas prévu ça. Donc, on peut voir vraiment que le projet, outre un peu les processus naturels, puis un peu l'amélioration de la qualité de l'eau, puis l'amélioration de la rivière, il y a aussi il y a des enjeux plus monétaires, puis il y a des enjeux vraiment auprès des citoyens, puis même auprès des infrastructures. Donc, le projet, c'est un peu de voir avec tout le monde comment qu'on peut, à quel endroit ça serait possible de peut-être remettre en place l'espace de bon fonctionnement pour pouvoir mitiguer ces impacts-là qu'on retrouve plus en aval. Est-ce qu'on a comme un, J'essaie de voir là, dans... Est-ce qu'on pourrait avoir une image là, d'avant, mettons, du ruisseau, puis est-ce qu'on voit tranquillement qu'il est en train de se retravailler puis de reprendre exactement cette position-là? Tu sais, ça existe-tu? Ça a été cartographié avant. Là, on a le maintenant, puis on dit crème, on voit exactement ce qu'il est en train de faire et il revient exactement où il était avant. Des choses qu'on peut voir, ouais. En fait, c'est avec des photos historiques là, qu'on a pu aller rechercher puis faire les comparaisons. Donc oui, on voit vraiment que probablement quand les méandres précédents, quand il a été rectifié, puis là, la forme qui tend à reprendre là, actuellement. Puis tantôt, tu parlais de flag. Est-ce que ça peut lever le flag pour d'autres genres de cours d'eau qu'on peut dire, et au Québec, là, peut-être dans le territoire de Gros-Bec, mais même au Québec, faut peut-être faire vraiment attention à ça. Ou il y a une manière d'endiguer pour pas que ça arrive finalement. Il y a peut-être un. Je sais pas. Oui, ben en fait, ça l'a fait réfléchir. Je pense que c'est un concept qui est de plus en plus populaire partout au Québec. Pas nécessairement notre projet qui a fait réfléchir, mais je veux dire que c'est un concept qui devient populaire pour la gestion des cours d'eau. Ça a été fait notamment par un autre organisme aussi pour une rivière voisine. Emmanuel, je sais pas si Oui, mais il y a plusieurs projets au Québec là, qui ont lieu un peu avec cette même mouvance-là. Donc, il y en a que c'est par exemple pour des problématiques d'érosion, mais il y en a d'autres, c'est pour des problématiques d'inondation. Donc, on peut penser entre autres là, pour la rivière Bulstrode qui est située au centre du Québec, donc qui alimente en fait un des bassins à Victoriaville. On peut penser également à la rivière Coaticook avec le COGESAF qui a réalisé des projets dans ce secteur-là depuis plusieurs années. Donc, il y avait des grandes problématiques d'inondation, entre autres, dans ce secteur-là. Donc, je sais que la cartographie a été réalisée dans cette région-là. Dans la rivière Masticouche, si je me rappelle bien, là, qui est sur le territoire de l'OBV de la rivière Masquinongé. Également un projet qui a eu lieu dans ce secteur-là. Donc, c'est une approche qui est de plus en plus utilisée là, pour. Parce qu'on se rend compte, en fait, que l'aménagement puis les interventions, les enrochements, des interventions plus humaines, anthropiques sur les cours d'eau, souvent c'est très coûteux, puis on se bat un peu contre la nature. Donc, on essaye, puis en fait, ce que la recherche démontre de plus en plus, c'est que, par exemple, on essaye le cas typique de l'enrochement, par exemple, on vient essayer de protéger la berge qui se fait éroder. Donc, on vient mettre la roche, du ciment, on vient un peu stabiliser, renforcer cette rive-là. Mais ce qu'on crée, c'est qu'on fait. C'est qu'on déplace le problème. Donc, l'eau va juste s'accélérer, puis c'est chez le voisin à côté que ça va se mettre à s'éroder de plus en plus. Donc, en fait, avec l'approche de bon fonctionnement, on vient un peu redonner un espace plus naturel à la rivière, puis elle va faire son processus qu'elle faisait historiquement. Puis ça va en fait, on espère atténuer les problématiques. Donc, c'est sûr que ça peut représenter parfois de l'abandon de terre, puisque cette zone-là, en fait, serait naturellement érodée. Mais c'est un peu, une façon de travailler avec la nature et non se battre contre la nature pour, en fait, donner à la rivière de l'espace qu'elle a besoin pour bien se comporter. Qui peut représenter, à t'entendre parler, je vois du double coup, là, on se bat une première fois, après ça, il n'y a aucune perspective de durabilité là-dedans, là, après ça, dans 30 ans, 40 ans, il faut refaire le travail autrement, puis il y a des conséquences à ça, fait qu'on ne peut pas plus avancer du tout. Là. C'est ça, tu sais, des fois, par exemple, des fois, en faisant l'analyse, on peut se rendre compte que, des fois, il y a des cas typiques en terre agricole ou dans différents secteurs, tu sais, essayer d'enrocher ou de stabiliser par exemple, un 100 mètres de rive, ça peut représenter plusieurs milliers de dollars, alors que de laisser cet espace, plusieurs mètres de berge à la rivière, par exemple, pour l'exemple d'un champ, ben, t'sais, parfois l'enrochement vaut plus cher que ce que cette bande de terre-là peut rapporter. Puis en laissant ça, on vient protéger notre terrain qui est situé plus haut, qui vaut peut-être plus cher probablement. Donc, c'est ça. C'est un peu. En fait, c'est important d'évaluer aussi les coûts, les bénéfices économiques, les pour et les contre. Donc, c'est sûr que parfois, l'enrochement a sa place. Donc, s'il y a une maison, il y a une infrastructure qui est sur le bord de l'eau, on ne l'abandonnera pas, on ne laissera pas la rivière reprendre son passage puis endommager les infrastructures. Donc, le cas du pont, entre autres, on a besoin que la rivière passe sous le pont et non sur les assises du pont. Puisque ça va être à refaire, c'est plusieurs millions. Mais c'est ça, c'est un peu une approche là, au cas par cas, puis c'est un peu une approche intégrée, voir quel endroit il faut vraiment stabiliser, puis quel endroit, en fait, ce serait plus simple puis plus économique de vraiment laisser la rivière reprendre ses droits un peu pour essayer de protéger les secteurs qui sont vraiment plus, qui valent plus cher, qui ont une plus grande valeur, qui sont situés plus bas. C'est certain que c'est ça. J'entends les perspectives économiques, mais là, après ça, on rentre le court terme, moyen terme. T'sais, à court terme, ça peut être super vendeur, mais après ça, à long terme, s'il faut le refaire, si justement, comme tu as dit, on perd des terres qui pouvaient valoir cher. Mais enfin, j'ai pas de misère à croire que des fois, c'est un peu galvaudé puis manipulé pour différents intérêts, évidemment. Je terminerai par un projet que j'avais peut-être un peu plus fouillé parce que je m'étais fait donner de l'information par rapport à ça, mais c'est celui de l'amélioration de la qualité de l'eau des trois lacs fluviaux de la rivière Bécancour. Et là, qui serait un peu entamé, mais qui s'enlignerait jusqu'en août 2023. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails par rapport à ce projet-là? Oui, donc ce projet-là, comme tu disais plus tôt, on l'a débuté à l'automne 2021. Donc, l'objectif de ce projet-là, en fait, c'est d'aller un peu documenter la qualité de l'eau, puis les apports de sédiments qui proviennent des différents fossés, puis du drainage, en fait, qui alimente les lacs Joseph, William et le lac à la truite d'Irlande. Donc, au cours des dernières années, on a quand même la connaissance, on connaît un peu la qualité de l'eau des différents cours d'eau, des rivières qui se jettent dans ces plans d'eau-là, mais on a très peu de connaissances sur le reste du drainage qui les alimente. Donc, tous les fossés de route, les fossés anthropiques qui se jettent vers leur cours d'eau, puis en fait, qui sont présents, tout le drainage qui est situé dans les bassins versants de ces lacs-là. La problématique qu'on observe depuis quelques années, c'est qu'il y a beaucoup il y a des états qui se forment, il y a beaucoup de matière de sable, de terre qui rejoignent les plans d'eau par ces milieux-là. Donc, on soupçonne entre autres probablement le drainage des Arabières qui sont situés sur les terrains plus en amont de ces plans d'eau-là, qui sont plus en élévation, ce qui amène beaucoup de matériaux vers les lacs. Le projet, en fait, ça vise entre autres à documenter ça. Ce printemps, avec la fonte des neiges, probablement dans les semaines à venir, on va aller documenter justement tous les petits fossés, les petits écoulements qui s'en vont vers ces trois lacs-là pour aller un peu essayer de quantifier c'est quoi la quantité de matière qui s'en va vers le cours d'eau, c'est quoi leur qualité de l'eau, pour un peu prioriser quels écoulements seraient à intervenir pour essayer d'endiguer un peu ces apports-là. Puis ensuite, le projet au cours des prochaines années, ça va être vraiment d'une part en concertation avec les différents producteurs forestiers, les producteurs agricoles, les citoyens, un peu sensibiliser ceux-ci pour un peu les changements de pratiques pour minimiser justement cet apport-là, l'érosion qui apporte beaucoup de matière vers les lacs. Puis ensuite, on vise également à réaliser certains aménagements, peut-être pour retenir ces sédiments-là, soit que ça peut passer également peut-être de la conservation ou de la préservation de certains milieux boisés ou de milieux humides pour un peu servir de bassin de rétention pour ces matériaux-là pour un peu justement éviter d'amener trop de matière vers les lacs. Puisque, tu sais, en fait, même sur Google Maps, le monde peut aller voir, là. Sur les rives de ces lacs-là, on peut déjà voir en fait des petits bancs de sédiments, des petits deltas de sable commencer à se former dans les lacs. Depuis plusieurs années, le meilleur exemple en fait, c'est au lac William, à la jonction entre les municipalités d'Irlande et de Saint-Ferdinand. Sur la rive nord, en fait, là, il y a la rivière Chennai qu'on appelle, mais on peut voir là, il y a un important delta de sable qui se forme dans le lac à cet endroit-là, puis ce delta-là en fait s'agrandit d'année en année. Donc, on peut soupçonner, entre autres, là, que probablement qu'il y a du drainage qui se fait en amont de cette rivière-là, puis qui amène beaucoup de matière là, à chaque année vers le lac. Ça peut occasionner justement des problèmes là, de sédimentation dans ces plans d'eau-là. Justement, Emmanuel, quand tu parlais de différents projets de Grosbec, il y avait beaucoup de gens impliqués là-dedans. J'ai entendu parler d'associations de lacs, de citoyens de lacs. On a parlé de producteurs agricoles. Chloé, est-ce que tu pourrais me glisser un mot là-dessus? Donc, la place vraiment du citoyen, puis de ces gens-là à travers les projets de Grosbec? Oui, ben c'est super important, c'est très central là, justement dans nos projets, la place du citoyen. Quand on parle du projet d'amélioration de la qualité de l'eau des trois lacs fluviaux là, dont Emmanuel vient juste de parler, c'est principalement les producteurs agricoles et les producteurs forestiers là, qu'on va consulter. Dans des moments comme ça, ben, c'est nous qui les approchons, on les appelle qui assistent à des rencontres avec nous. Puis ça l'amène vraiment à des discussions parfois super intéressantes là, qui permettent directement lors de la concertation de régler certains problèmes ou du moins de comprendre c'est quoi leur enjeu et pourquoi ils agissent de telle ou telle façon. Puis sinon, pour ce qui est des associations de lacs, c'est tout à fait, ils sont très actifs sur le territoire, là. Il y en a beaucoup, donc pour pratiquement chacun des lacs qu'il y a sur le territoire. Moi, c'est principalement ça mon poste, là, justement, de faire le lien avec les associations, puis d'assurer les différents projets avec les lacs. Donc, les associations riveraines, en fait, c'est vraiment des membres là, qui habitent souvent autour du lac, puis qui veulent faire la différence, puis qui veulent agir pour le lac. Souvent, ils vont appuyer nos projets en nature, donc en temps pour nous aider bénévolement ou même de façon monétaire pour nous aider à avancer les projets. Puis nous, de notre côté, ce qu'on fait aussi avec eux, c'est qu'on leur offre là, souvent des journées terrain dans le cadre du programme Action Lac l'été pour pouvoir réaliser des projets autour de leur lac. Donc, c'est vraiment des gens qui sont passionnés, mais qui voient aussi l'importance, là, puis qui ont à cœur le milieu naturel autour duquel ils vivent là, finalement. Puis c'est ça, leur place est super importante. Tous nos projets sont faits finalement pour répondre aux besoins des citoyens, puis pour les appuyer, puis les accompagner dans les différentes démarches, là. Bien, j'espère en tout cas que ma démarche avec vous ce matin, en tout cas, va pouvoir un petit peu diffuser ça aussi, là. Donc, à ce moment-là, ben, je m'inscris un peu dans cette place de citoyen-là qui vient aider peut-être Grosbec dans ses projets. Je le souhaite. Je vais peut-être m'adresser à Manuel pour la prochaine parce que j'ai l'impression qu'elle était un petit peu plus sensible. Quand je faisais évidemment mes recherches avant de vous rencontrer ce matin, j'ai croisé une recherche de l'Université Laval. Bon, on va donner un crédit aux auteurs, donc de Aurélie Blondeau, pardon, et de Annie Boutillier, qui mettaient en lumière finalement la problématique du financement des organismes de bassin versant. Alors, à ce moment-là, bon, j'ai évidemment pris connaissance de ça. On a fait une étude de cas avec trois organisations, trois OBV, là, organismes de bassin versant, pour se rendre compte que finalement, le mandat des OBV, donc concertation, sensibilisation notamment, serait peut-être plus difficile à cause de ce manque de financement-là accordé par le gouvernement provincial. Est-ce qu'on est capable de commenter ça? Peut-être, Emmanuel, est-ce que c'est le cas vraiment chez vous? Est-ce que vous sentez que c'est un handicap pour mener à bien vos projets? Je sais que vous êtes un peu coincé entre l'arbre et l'écorce quand je vous pose la question, mais quand même, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Ça reste une belle recherche quand même objective avec certaines conclusions intéressantes. Est-ce que tu peux m'en glisser un mot? Oui, en fait, je comprends un peu, là, en fait, en discutant avec toi, là, un peu, tu nous avais transféré cette recherche-là. Donc, la situation a évolué un petit peu depuis cette recherche-là. Donc, je voyais qu'elle datait de 2017. Donc, le ministère, entre-temps, a augmenté, oui, le financement de base que j'expliquais plus tôt, là, donc, qui était qu'entourant, en fait, le mandat des OBV qui nous avait été donné par le ministère de l'Environnement. Mais oui, c'est un point, en fait, qui est apporté, là, puis que les OBV, en fait, adressent au ministère depuis plusieurs années, là. Donc, ça fait 4 ans que je suis dans le réseau, donc au Gros-Bec, puis ça fait 4 ans que j'entends, en fait, là, les différents directeurs, les différents organismes, là, et véhiculer le message. Donc, c'est que la problématique actuelle, c'est que le ministère, en fait, nous reconnaît le rôle de planification, de coordination du plan directeur de l'eau. Donc, vraiment, et puis nous finance pour les activités qui entourent principalement la mise en place de ce plan directeur-là, l'accompagnement des différents acteurs pour sa mise en œuvre, mais le financement n'entoure pas, en fait, le ministère ne reconnaît pas le rôle de mise en œuvre de ces actions-là par l'organisme de bassin versant. Donc, c'est un point, en fait, qui est souligné que les organismes, on aimerait ça vraiment être reconnus officiellement, être en fait plus reconnus pour la mise en œuvre de ces actions-là, puis d'avoir du financement qui représente, en fait, ces actions-là qu'on réalise déjà concrètement sur le terrain, donc par tous les différents projets qu'on réalise, qu'on met en œuvre ces plans-là. Donc, on juge que c'est important de donner l'exemple, puis que, tu sais, en fait, l'organisme, par ses compétences, est capable de mettre en œuvre plusieurs des actions, puis que certaines actions, en fait, ça relève pas tant soit des municipalités ou des producteurs, mais tu sais, que l'organisme, en fait, met l'épaule à la roue pour essayer de procéder à l'amélioration. Puis, en fait, ces financements-là ne nous ont pas couverts par ce financement de base-là. Donc, les différents OBV, on est obligé d'aller chercher du financement ailleurs par différents programmes, différentes fondations, différents bailleurs de fonds alternatifs. Mais ça fait qu'en fait, ce financement-là est un peu plus instable, est un petit peu plus incertain, puisqu'à chaque année, il faut refaire des demandes. Donc, ça ajoute une certaine précarité. Donc, t'sais, cette étude-là, en fait, ça reflétait, en fait, ce besoin-là que ça serait, en fait, ça serait plus porteur, ça serait plus durable que le financement, en fait, du ministère permette justement, entre autres, d'assurer une certaine, reconnaisse ce rôle de mise en œuvre des actions-là. puis ensuite, ça puisse soutenir le financement de plusieurs projets de l'organisme, ce qui n'est pas actuellement. Donc, actuellement, c'est vraiment les conventions entourent surtout la planification du plan directeur de l'eau, son renouvellement, sa mise à jour, le rayonnement du PDE auprès des acteurs, l'accompagnement de ceux-ci, mais vraiment ausculte la partie vraiment mise en œuvre concrète des actions sur le terrain. De ce que j'entends, c'est depuis 2017, on a pris une meilleure direction en tout cas. Oui, le financement a doublé. Nommait environ 125 000. Donc, je disais plus tôt, ils ont doublé le financement de base, mais ça entoure encore. C'est un bon pas dans la bonne direction, mais ça vise encore seulement les étapes de planification. Donc, vraiment, toute la partie action, mise en œuvre concrète des actions sur le territoire est encore, évacuée par le ministère. Puis, les OPV c'est un message clair qu'on envoie au ministère d'année en année que c'est important la mise en œuvre des actions. C'est ça concrètement là, qui amène des changements sur le territoire. Puis c'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas évacuer. Il ne faut pas seulement remettre la responsabilité sur les acteurs du territoire, mais c'est le rôle de l'OBV, entre autres, des aider pour la mise en œuvre de ces actions-là. Puis ce serait naturel que le financement aide à couvrir ça un peu. Super, merci pour tes explications. Je vous dirais que c'est ce qui mettrait fin peut-être à notre échange de ce matin. Je vous remercie infiniment du temps que vous avez su m'accorder tous les deux et les informations que vous avez pu apporter par rapport à Grosbec. Donc, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Au plaisir. Au plaisir.